Vous êtes bien sur Radio Gamozo 107 FM. Sachez que vous pouvez également nous écouter depuis notre site internet www.radiogamozo.eu. Et aujourd'hui avec moi au téléphone, Léa de l'association Oxygène. Léa, bonjour. Bonjour Léa, bonjour à tous. Comment ça va? Eh ben ça va très bien. Et vous? Eh ben ça va très bien, merci beaucoup. Alors l'association Oxygène a donc été créée en 1989 et elle est située à Remiremont, c'est bien ça? Tout à fait. Donc les activités sont consacrées surtout aux chantiers de solidarité, donc au Burkina Faso et dans d'autres pays, et à l'accompagnement de certains jeunes dans la réalisation de leurs projets personnels. Exactement, okay. Nous avons des projets ici et ailleurs. Voilà. Et aujourd'hui, nous parlons avec vous, Léa, de la 25e édition de Lire, c'est super. Alors, Lire, c'est super, c'est ce week-end, hein, les 17, 18 et 19 janvier au gymnase de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc à Remiremont, 6 rue du Canton, 25e édition déjà. Exactement, oui. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui va se passer à cette 25e édition de Lire, c'est super? Alors, c'est une manifestation qui repose sur un principe très original. Que nous avons 20 000 livres à disposition du public. Je dis à disposition puisqu'ils ne sont pas mis en vente. D'accord. Libre en fait aux personnes de faire un don en argent pour soutenir l'association qui ensuite réinvestira cet argent pour des projets au Burkina Faso et également ici localement en soutien des projets de jeunes. Super. Alors, il y a quand même 20 000 livres de présents. D'où viennent-ils ces livres? Alors, ces livres, ce sont essentiellement des dons de particuliers, mais ça peut être aussi des dons de bibliothèques ou d'entreprises lorsqu'ils renouvellent leur stock. D'accord. Voilà. Et puis, d'année en année, parce que effectivement, c'est notre 25e édition, donc nous avons des gens qui reviennent d'année en année et qui nous rapportent les livres qu'ils ont empruntés l'année passée. C'est chouette. Donc, il y a un roulement qui se fait. Incroyable. Donc, est-ce qu'on peut compter sur la générosité des gens qui se rendent donc à cette manifestation? Est-ce que voilà, les gens comprennent le but de l'association et donnent facilement? Oui, on s'est rendu compte que, puisque au départ, en fait, Lire c'est super n'a pas démarré sur ce principe. On vendait les livres et puis après on a dû arrêter, on avait été contraint d'arrêter ce système et on s'est rendu compte que les gens n'en étaient pas moins généreux, bien au contraire. D'accord. Oui, je voulais ajouter que malgré les temps actuels moroses, la crise économique, financière, c'est vrai que malgré tout, les gens continuent d'être généreux et d'être solidaires. Ça, c'est super. C'est un beau message, en tout cas. Et du coup, ça donne également un petit peu accessibilité à la culture pour tous, parce qu'on n'est pas obligé forcément de donner. On peut aussi prendre un livre qui nous intéresse. Oui, exactement. Voilà. Oui. Et puis, il y en a pour tous les goûts. Oui. Nous avons de la littérature jeunesse, nous avons des romans poche, nous avons des livres scientifiques. Enfin, il y a vraiment de tout. La gamme est très large, très vaste. Ok, donc si un jour on est un particulier et que l'on veut donner ses livres à Oxygène, c'est possible? Alors vous pouvez venir nous rencontrer déjà lors de cette manifestation, oui, et nous les apporter à ce moment-là, ou sinon vous pouvez nous contacter directement au 03 29 62 54 85, et puis à ce moment-là on vous indiquera un lieu et un moment où vous pouvez venir déposer les livres. Et ben voilà, super. Alors, durant ce rendez-vous, il y aura également une animation jeu de société qui sera organisée par la ludothèque de Remiremont. Exactement, le samedi et le dimanche de 15h à 17h. Oui. C'est une grande nouveauté cette année. On espère que le public sera nombreux. Et il y en aura pour tous les goûts, ce sera pas uniquement pour les enfants. C'est une animation jeu de société, donc chacun est invité à participer. Super. Alors, au tout début de cette idée de manifestation, Lire c'est super, donc c'est déjà la 25e édition. Au tout début, c'était quoi le but, la motivation pour créer cet événement? Alors moi, j'étais pas présente à la 25e, j'étais un peu jeune, mais c'était essentiellement créer du lien. Oui. À l'époque, les fondateurs étaient éducateurs et puis accueillir des jeunes en difficulté. Donc c'était aussi pour une manière de participer à une manifestation locale et puis voilà de donner de leur personne et pouvoir récolter de l'argent pour pouvoir notamment financer des projets au Burkina Faso. D'accord. Des projets de solidarité internationale. Oui. Est-ce que le public répond bien présent tout au long de ces années ? Ah oui, oui, bah comme je vous disais tout à l'heure, nous avons des gens qui reviennent d'année en année. Mmh. Et puis nous avons du monde tout au long du week-end, particulièrement le samedi après-midi, dimanche après-midi. Les gens viennent soit seuls, soit en famille pour se promener, pour flâner. Oui. Voilà, il y en a d'autres qui recherchent des choses bien précises. Enfin, il y a un public assez varié qui vient se mélanger, nous rencontrer. C'est un beau moment d'échange et de partage aussi. Au-delà du fait d'aller chercher des livres, oui. C'est aussi un moment où on peut se rencontrer. Est-ce que tous les membres de l'association Oxygène seront présents durant Lire, c'est super cette année ? Oui, ils seront présents parce qu'on a besoin d'énormément de monde, de beaucoup de bénévoles. Oui. D'une part pour installer les livres le jeudi après-midi et aussi pour ranger les livres le dimanche soir. Hein, 20 000 livres, c'est vrai que ça se fait pas en 10 minutes. Et oui. Et puis tout au long de la journée, on organise un roulement afin d'être présent sur place, de pouvoir accueillir les gens, de pouvoir être disponible pour répondre à toutes questions. Et on a encore besoin de monde pour emballer D'accord. le dimanche à partir de 18h. Donc je lance un appel. Et vous faites bien. voilà, si certaines personnes... sont disponibles et sont prêtes à donner ne serait-ce qu'une heure de leur temps, elles seront les bienvenues. Elles peuvent nous rejoindre directement au gymnase de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc à partir de 18h. Et voilà, ce sera un beau moment, sympathique, et nous, ça nous rendra bien service. L'appel est lancé. Alors, Lire, c'est super, 25e édition, c'est ce week-end. Hein. Dès ce vendredi 17, ça commence à 17h, c'est ça ? Oui, de 17h à 20h et le samedi et le dimanche de 10h à 18h en continu. Voilà, donc au gymnase de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc à Remiremont, 6 rue du canton. Et on n'oublie pas que les dons reçus lors de cette manifestation permettront de soutenir une école au Burkina Faso et d'aider des jeunes ici dans le cadre de la solidarité international. Merci beaucoup Léa de nous avoir accordé un petit peu de votre temps pour parler de cette manifestation. Vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup, avec plaisir. Et puis au plaisir de rencontrer tout le monde au cours de ce week-end. Voilà, très belle journée à vous et à bientôt. À bientôt, au revoir Léa.